dans ta vie pourrie. Tu sais, c'est qu'un ami, on pourrait crever sans que tu tournes les yeux. La créature a eu des lieux, mais oui, c'est mieux comme ça. La vie, on peut les tirer dans les champs. Sur ton 19 ou sur le poste, mais tu en es froid la tête, tu retournes en poussière. Même le sac est sous le bras, c'est la vie qui veut ça.